rencontré ravi sur la route de Pondichéry. Il avait sur lui la clé du palais des mille et une nuits. Gosh. Il m'a fait partager tous ses plaisirs à l'infini. Le sexe, la drogue, la bouffe et tout ce qui s'ensuit. Et moi comme mon disciple j'ai fait tout ce qu'il m'a dit. Moi j'ai toujours tout fait pour éviter le paradis. J'ai rencontré Ravi et c'est devenu un ami. Pourquoi courir le monde quand il vient à Paris? Flash. Méfie-toi de tes soi-disant amis, tous ces gens qui gravitent autour de ton esprit. Car ton identité bat-toi pour tes idées. Un jour viendra où tu pourras réaliser ta destinée. Ses chaînes le liant au quartier. Il voulait voir un monde